m'amène. Dans ce son, je fais pas de sale. J'ai pas le temps, le cœur va parler. M'amène. C'est à la chicha du coin qu'on s'est pécho. Ma meuf, je voulais que ce soit une KRA. Je te mettais des doigts, même au McDo. Les Yankees appelaient, je répondais pas. Je voulais que tu sois la femme de ma life. J'avais la diarrhée comme l'amour en malade. Je te roulais des pelles dans les tribunes du stade. Je t'ai refait ta garde-robe, mais aussi ton cul sale. T'as fait du goûter, mais le pilon gras. Le pilon gras. Quand j'en viole tout, eh ben j'pensais à toi. J'pensais à toi. Elle t'arrive pas à l'achat de cette pute de chat. Et mon taxi des garros tous les deux dans le tram. Je t'effrite ton cœur, vas-y rallume la flamme. Ce soir j'te ferai des prises à la JC Vandamme. Ma mère, tu me mens. Ma mère, t'étais ma beurrée de luxe. Tu le sais. Ma mère, ma mère, ma mère. Pardonne-moi mon bébé. Avec toi je veux faire du sale bébé. Crois-moi, m'amène, m'amène. Pour partir au soleil on vendait du chichon. Y'a notre sextape en kayak dans le zap de spion. Fais de spi, faut pas que tes frères soient au courant. Ça me rappelle quand je baisais des bonnes heures au couvent. On allait chez Danny pour manger des pizzas. T'étais douce et t'aimais que je t'appelle ma ziza. Tu faisais tourner le pet. Mais c'est toi qui me tournais la tête. Je vais plus en boîte, me parfume plus au axe. T'étais ma cendrillon, je t'enfilais tes Air Max. Ma mène, tu t'en rappelles mon bébé. Tu sais. Ma mène, tu me manques. T'étais ma beurrée de luxe. Bah ouais. Ma mène, ma mène, ma mène. DMTC. Pardonne-moi mon bébé. Avec toi je veux faire du sale bébé. Crois-moi, ma mène, ma mène. En vrai Jasmine tu me manques. Reviens STP. J'ai toujours tes photos de toi à l'appart. Y'a toujours ton après-shampoing. Il sent bon d'ailleurs. Je t'aime. Jasmine, s'il te plaît, réponds-moi. Jasmine, c'est pas ça sérieux. Pas